La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. Pour tous vos travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Ici Sandrine Lamontagne. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. La chronique du Marc Cause Pop de Saint-Félicien avec l'instructeur chef Jason de Jeunesse. Salut Jason! Salut, Danny. Jason, victoire de 4-1 contre le National de la Baie. Ça n'a pas été nécessairement facile, hein? La manière que je peux voir ça. On a joué un très, très bon match. Là. C'est vraiment le gardien de but adverse là, qui a fait qu'on a pas scoré peut-être plus de buts que ça. Il a gaulé tout un match de hockey. Là, juste pour vous dire, en troisième période, on a donné deux lancers, nous autres. Vraiment un match... À sens unique, là, mais c'est juste que le gardien a fait des arrêts incroyables là, tout le long de la rencontre pour garder le match serré quelque peu, là, mais dans l'ensemble, là, on a dominé ce match-là là, d'un bout à l'autre. Là. OK. Donc, dans ce match-là, ben notez que du côté du Marcos Pop, j'ai un but de passe pour Jean-Daniel Beaupré, aussi un but pour Samuel Duchesne, oui. Et Alexis Bredette qui a également un but. Victoire du Marcos Pop 4-1. En fin de semaine, ça ressemble à quoi pour l'équipe de Jason La Jeunesse? Ben, c'est notre dernier match là, avant Noël. On joue vendredi soir là, contre les Castors de Delbeau. Là, oh, okay. C'est toujours une belle rivalité entre les deux formations. Là. Oui, c'est assez intense. Là. C'est surtout les flots se connaissent. Ils jouent depuis beaucoup de temps un contre l'autre. Donc, c'est sûr que c'est une très belle rivalité là, entre les deux formations. La bataille de la 169, comme que je me suis appelé à l'appeler récemment. Ouais. Jason, t'es-tu satisfait quand même? Là, c'est la dernière chronique avant Noël, donc on s'en reparlait après les fêtes. Es-tu quand même content de ce qui se passe chez le Marcos Pop de Saint-Félicien depuis le début de l'année? Puis au niveau midget, t'as changé quand même de calibre cette année. Donc, j'imagine que c'est pas mal plus fun avec. Pour ma part, là, c'est sûr que c'est pas mal plus fun de coacher dans le midget que dans le junior. J'ai pas d'affaires là, à courir après mes joueurs. Dans le junior, c'est toujours ça. Là. C'est toujours courir et courir et courir. Donc, dans le midget, là, on en a 17-18 joueurs. Puis, ils sont toujours là aux pratiques, ils sont toujours là au match. Donc, c'est un petit peu plus facile de ce côté-là. Nous, on s'attendait peut-être à un début de saison peut-être plus difficile là, vu que... T'sais, on avait moins de vétérans que les autres années, peut-être moins de talent. On savait qu'on allait avoir une équipe qui allait travailler. Mais de là, à coller les victoires comme on les a collées depuis le début de l'année, peut-être pas. Mais on prend ce qui passe. Hein. Fait que, on est bien content du début de saison. Ben, bravo, Jason. Ce qui me reste à te souhaiter, c'est une bonne année. Un joyeux Noël également. Nous, on va on va se reparler après les fêtes. Danado Sport fait pas relâche, mais la chronique du Marcos Pop fait relâche. Et on va se reparler après la période des fêtes. Parfait, merci Danny. L'instructeur chef aussi. Oui, du Marcos Pop de Saint-Félicien, Jason Lajeunesse.